Bonjour, bonjour, et nous voici pour le deuxième épisode de la nouvelle Pugelmann. Résumé, tout d'abord, de l'épisode précédent. Monsieur Baladin est un petit fonctionnaire du flux, entreprise tentaculaire appelée Pugel. Celle-ci gère absolument toutes les fonctions vitales de l'être humain moyennant finances. Hélas, Monsieur Baladin aimerait se souvenir d'un moment amoureux de sa jeunesse. Il doit augmenter de 25% ses mensualités s'il veut y accéder à ce service. Il refuse de payer et recherche un concurrent de Pugel pour le département mémorisation. Monsieur Baladin trouve le marchand de souvenirs, Lefant, grâce à Pugel Map. « Bonjour, Monsieur Baladin, lui dit la vendeuse en mandarin. « Bonjour, Madame Chang, lui répond le fonctionnaire en français. Grâce à Pugel Trad, tous deux se comprennent parfaitement. » Les cheveux au vent, Baladin se dit qu'il avait fait une sacrée bonne affaire. Et Elephant offrait des prestations équivalentes à celles de Pugel Memories, mais 30% moins cher. Ces centres de mémorisation n'étaient pas moins sécurisés et ses temps d'accès étaient même inférieurs à ceux de son concurrent. « J'aurais dû changer d'opérateur beaucoup plus tôt, songea-t-il. Il ne me reste plus qu'à attendre le transfert de mon dossier et je pourrai enfin me replonger sereinement dans mes souvenirs. » Cependant, il y avait un hic et non des moindres. Baladin devrait être déconnecté du flux pendant la procédure de migration néésique. Mode flashback activé. Pugel Memories. Simple précaution destinée à éviter tout risque de piratage extérieur, lui avait expliqué la ravissante Madame Chang. La déconnexion ne sera que momentanée. Bien entendu, une toute petite heure, le temps que Pugel Memories nous envoie vos souvenirs par transmission cryptée. Face à la belle jeune femme, Monsieur Baladin, soutenu par Pugel Virilité, s'était efforcé de ne pas éclater en sanglots en dépit de la peur indicible qui le saisissait. Pour un homme de sa génération, baignant dans le flux depuis sa vie intra-utérine, une déconnexion était tout bonnement inconcevable. Même dans ses pires cauchemars, il n'avait imaginé pareil sort. Pour la première fois de son existence, il allait être seul dans sa tête. « Ne vous inquiétez pas !» l'avait immédiatement rassurée la vendeuse, décidément charmante. « Avant la déconnexion, Pugel Memories téléchargera vos souvenirs de catégorie 1, ainsi que toute information vitale à la vie en société dans votre cerveau. Vous ne risquez donc pas d'errer en turbo-slip dans la rue, hébété et amnésique, si c'était là votre crainte. » Bien sûr, en l'absence du flux et par extension des coachs qui y naviguent, l'accès à ces informations vous paraîtra plus lent, plus laborieux qu'à l'accoutumée. Vous aurez l'impression que vos neurones pédalent dans la choucroute, une sensation comparable à la narcose qu'éprouvent les plongeurs en eau profonde. Mais je vous le répète, ce ne sera que transitoire. Très vite, tout reviendra à la normale. Sitôt la migration mnésique terminée, vous serez automatiquement reconnecté au flux et en suivant à nos centres où vous attendront vos chers souvenirs parfaitement conservés. Mise en confiance par la belle commerciale, de toute façon il fallait en passer par là pour s'émanciper de Pugel Memories. Baladin avait alors signé le contrat, de la seule des manières qui fit foi en pensée. La déconnexion surviendra dans l'heure qui vient, avait conclu Madame Chang, toujours en mandarin. En attendant, je vous invite à rester tranquillement chez vous et à vous détendre. Je vous conseille d'éviter, tant que faire se peut, les rapports sociaux afin d'éviter tout malentendu. Je me suis permis de vous appeler un taxi aérien. Il paraît que le trafic terrestre connaît quelques problèmes ce matin. Mode flashback désactivé. De ses pattes métalliques, le véhicule déposa délicatement M. Baladin sur le toit de sa résidence. Merci d'avoir choisi Pougle Taxi. Bon appétit et excellente fin de journée, Monsieur Baladin. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur nos lignes. Et reparti en vombrissant dans le ciel gris, les antennes dressées. Revenu dans son appartement, l'informaticien s'affala sur son canapé en proie à une terrible angoisse. Seul, se répétait-il, tout seul dans ma tête. En dépit des paroles rassurantes de Mme Zhang, il ne pouvait s'empêcher d'appréhender la déconnexion. Et si jamais il y avait un problème? Et si jamais on ne me reconnectait pas? Le bug de Tokyo, lors duquel 50 millions de personnes avaient vu leurs souvenirs partir en fumée, était encore dans toutes les mémoires. Mais c'était une autre époque, se raisonna M. Baladin. Les mesures de sécurité ont grandement évolué depuis. Il éprouva néanmoins le besoin de s'assurer que le flux était toujours là, à portée de pensée. Racine carrée de 54,66,26,04,74,865,795. De 1988, se demanda-t-il. Quel est là? 8846 mètres. Hauteur de l'Himalaya? Comment? Yahatchou Est. Dit-on, j'ai faim en russe. Les réponses lui apparurent sans effort, avant même qu'il ait fini de formuler ses questions. Le lien n'était donc pas encore rompu. Il se rasséréna quelque peu et s'enfonça plus profondément dans son canapé. « Me changer les idées me fera le plus grand bien, convint-il. Pourquoi ne pas se divertir devant un programme en hyper-réalité ? Entre les fictions historiques, le championnat de Pugle Ball ou les documentaires interstellaires d'Universal Geography, il n'avait que l'embarras du choix. » Mais l'angoisse de l'attente lui ôtait toute motivation. Seul, tout seul dans ma tête. Sans l'aide de ses coachs, parviendrait-il à formuler une phrase intelligible? Se souviendrait-il au moins de son propre nom? Madame Zhang l'avait assuré qu'il disposerait du minimum vital pour s'en sortir convenablement en société. Cependant, pouvait-il la croire sur parole? Non pas qu'il voulût remettre en cause les compétences de la demoiselle. À vrai dire, elle lui avait même semblé extrêmement professionnelle et diablement convaincante et fort charmante de surcroît. Réflexion faite, pour peu qu'elle défie son chignon, elle aurait même eu tout à fait sa place au panthéon de ses fantasmes coquins aux côtés de sa femme mystère. Mon amour perdu, se rappela soudain M. Baladin. Il avait presque oublié, alors qu'elle était tout de même la source de ses tracas. Sans elle, cette contrariante histoire de déconnexion ne serait jamais arrivée. Non, se reprit-il, sa regrettée Dulcinée n'y était pour rien. Le véritable fautif était encore une fois Pougle et son réseau de malfaiteurs. À l'évocation de ce nom au nid, le stress de Baladin grimpa d'un cran. Si ça continue, je vais y laisser ma santé. La situation n'était plus tenable. Il devait absolument se relaxer. S'allongeant sur le canapé, l'angoissé ferma les yeux et laissa sa conscience dériver sur l'océan du flux, tel un baigneur faisant la planche, bercé par la houle et le chant des vagues. Alerte critique. Pougle Doc, pic hormone de stress détecté. Pouls 103, tension artérielle 155,92 mm de mercure, fréquence respiratoire 22 cycles minute, bouffée d'angoisse en cours, état dépressif confirmé, prévoir relaxation, anxiolytique, antidépresseur, psychanalyse. 12h37, heure atomique de Paris, UTC plus 1, déprime passagère. Que diriez-vous d'une bonne blague avec Poubelle Gag? Vous ne serez jamais à court d'histoires drôles et de répliques hilarantes. Poubelle Gag vous aide à devenir le bout en train de service que vous avez toujours rêvé d'être. Fraises à la chantilly, sucre de canne, goût frais et onctueux, restant longtemps en bouche, frissons de bien-être, sérénité, plénitude. Mahamrityuyana Mantra, chanté par les 30 cyber-tibétains en exil, Pougle Radio Classique. 12h40, heure atomique de Paris, UTC plus 1. Les meilleures recettes de fraises à la chantilly se trouvent sur Pougle Cook. La région, autrefois appelée Tibet, était située au nord-est de l'Himalaya, Asie. Le nano-bombardement chinois de 37 AF l'a rendu inaccessible à l'homme pour plusieurs milliers d'années, voire conflit sino-américain. Solde Pougle paye 4 500 de Pougs, débit provisionnel 80 Pougs, frais de résiliation Pougle Memory. 1 500 Pougs, pension Mariella Baladin, 325 Pougs, abonnement éléphant et éléphant pour bénéficier d'une mémoire d'éléphant. Je sais que notre séparation a été terriblement douloureuse pour toi, Artus. Et je sais que tu n'as pas supporté que je me mette aussi vite en couple avec John Damien. Mais ce n'est pas une raison pour me dénigrer devant nos enfants. Ne pouvons-nous pas nous comporter en adultes? Je veux te parler de visu, Mariella. La solitude n'est pas une fatalité. Astrolove vous met en contact avec les célibataires de votre quartier en s'assurant au préalable de votre compatibilité astrologique. Spam intercepté par Pougalgard. 12h42, heure atomique de Paris, UTC plus 1. Vierge. Mars subit l'influence de Saturne. Une profonde remise en question est à prévoir. Évitez les féculents et prenez garde aux chats. Si vous êtes natif du premier cadran, des bains de pied peuvent être utiles. Pougle Astrologie. Pou, 84. Tension artérielle, 133,85 mm de mercure. Fréquence respiratoire, 13. Cycle par minute. Décroissance hormone de stress, bouffée d'angoisse, en cours d'amélioration. Taux de réplétion vésicale, 41%. Prochaine miction dans 1 heure. Prochaine selle dans 4h30. Risque de migraine, modéré. Ce n'est pas grave, Artus, ça marchera mieux la prochaine fois. Honte intense. Pougle, qui pense à moi, vous avertit que dès que quelqu'un pense à vous, idéal pour reprendre confiance en soi. 12h45, heure atomique de Paris, UTC plus 1. Les libres penseurs sont dangereux. Signalez tout individu suspect à Pougle Police par une pensée discrète en tout anonymat. Nelly people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all be? Alerte, bande passante insuffisante. Pou, 70. Tension artérielle, 122,78 mm mercure. Fréquence respiratoire, 9. Club par minute, bouffée d'angoisse terminée, activité physique avisée, anti-stress conseillée. Pougle Ball, l'erg, les Springboks de Disney écrasent les Kangaroos de Brisbane, 234-61. Bob Leonard Anderson, élu homme du match. Alerte, bande de... Capitale de l'État du Queensland, Brisbane est située à environ 950 km au nord de Sydney. Vision d'un pont suspendu de buildings et de plages paradisiaques passe. Mariella sort de l'eau, seins nus, excitation, amour intense, caresse sur le sable, nostalgie. Passante température de l'eau, 24 degrés sur toutes les plages du littoral varois. Drapeau vert roule minime. N'oubliez pas votre crème solaire, indice 30 plus. Suffisantal. 12h49, heure atomique Paris, UTC plus 1. Herte bon en passa insuffisant. Tout à coup, le néant. Arraché à sa méditation, Baladin se sentit rétrécir à une vitesse vertigineuse à moins que ce ne fût l'univers tout entier qui se ratatinait sur lui-même dans un Big Bang inversé. Condensé à un caillou gris et solitaire, le fonctionnaire sombra dans des abysses glacés. Le monde s'était tu. Au chant des vagues se substituait un silence sépulcral tel que Balader n'en avait jamais connu. Par réflexe, il voulut replonger dans la chaleur rassurante du flux, mais il se cogna aux parois de sa propre conscience. Alors, pressentant la terrible vérité, il s'interrogea. Combien faisait 2 plus 2 ? Comment disait-on « bonjour » en voyant en anglais ? Et quelle était la capitale de « les idées lui manquaient » de la France ? Il attendit des réponses qu'il ne verra jamais. Et enfin, il comprit. Seul, suis tout seul dans ma caboche. En pensée, il hurla, et son cri se répercuta en écho infini à l'intérieur de son crâne. La déconnexion avait eu lieu. Le grand isolement commençait. Qu'avait dit cette jolie vendeuse dont le nom lui échappait ? Cela ne devrait pas durer plus d'une petite heure. Mais sans Google Clock, l'informaticien avait perdu toute notion du temps et cette petite heure était pour lui synonyme d'éternité. En désespoir de cause, le déconnecté quitta son canapé et fit un tour dans le salon, rempli d'objets étranges dont il ignorait la fonction. Googlepedia n'étant plus là pour le renseigner. Sans l'aide de Google Maps, le fonctionnaire s'avéra également incapable de s'orienter dans son propre appartement et se retrouva, par pur hasard, face au miroir de la salle de bain. Non. À moi est Artus Balader. Articula-t-il au prix d'un effort intense en voyant son reflet. Certes, en l'absence de Google Langage, la reformulation était hasardeuse, mais c'était déjà ça. Il n'avait pas oublié qui il était. Pour le reste, il eut le plus grand mal à mettre de l'ordre dans la mélasse épaisse de ses pensées. Sclérosé par toute une vie d'assistanat, ses neurones étaient complètement rouillés. Avait-il chaud ? Devait-il se rendre aux toilettes ? Était-il heureux ? Avait-il faim ? Même de cela, il n'était pas certain. Dans le doute, il se dit que grignoter un petit quelque chose ne pouvait pas être une mauvaise idée. Néanmoins, une fois devant son réfrigérateur, qu'il eut toutes les peines du monde à localiser, Balader se trouva bien embêté. Comment cuisiner sans les bonnes recettes de Google Cook ? De dépit, il saisit un pot de confiture de myrtille et un bocal de cornichons, puis s'installa à table. Bon appétit, se souhaita-t-il, et il mangea de bon cœur. Ce qu'aurait pensé Google Gourmet ? Il préférait ne pas le savoir. Mais au beau milieu du festin, on frappa à sa porte. Même si Google Mémorise n'était pas là pour le lui confirmer, le fonctionnaire subodorait que c'était là un enquiquinement habituel à l'heure du déjeuner. Le vague, très vague souvenir d'un avertissement de la vendeuse quant au risque de nouer des rapports sociaux lors de la déconnexion se rappela vaguement, très vaguement à lui, si vaguement en fait qu'il oublia le dit avertissement dans la seconde. Ainsi, il alla ouvrir la porte sans la moindre méfiance. Sur son palier se tenait une inconnue, portant un casque à vélo bleu fluo sur sa tête. Son visage flou ne disait strictement rien à Balader, dont la myopie sévère n'était plus corrigée par Google Clearview. « Moi, rien veux acheter, » prévient-il d'emblée méfiant. « Rassurez-vous, sourit la femme, je ne vaux rien. Je suis venue vous entretenir d'un sujet de la plus haute importance. »« Hein ?» grimaça l'informaticien, qui n'avait pas saisi un traître mot à ce charabia hautement intellectuel. « Faut qu'on cause, mec, » simplifia Madame Chang avant de s'inviter dans l'appartement.